troisième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la frontière et à son histoire. Aujourd'hui, frontière des langues au Moyen-Âge entre 8e et 11e siècle. Après avoir parlé hier des frontières vécues par les Français du Moyen-Âge avec Léonard Dauphan et hier donc des frontières d'une capitale avec le documentaire sur le rattachement de Passy, le village de Passy à Paris au 19e siècle et les transformations urbaines qui en ont découlé, nous allons ce matin nous intéresser aux frontières linguistiques, en particulier entre habitants de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Nord et de l'Est entre 8e et 11e siècle grâce à des textes lus par Daniel Königsberg et choisis par nos deux invités, Bruno Dumézil. Il est spécialiste de ce qu'on appelle ou qu'on appelait dans le temps les barbares. Il est maître de conférence à Paris-Nanterre. Et Lucie Delbos, elle est maître de conférence à Poitiers, au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. Et tous deux sont auteurs, avec d'autres, d'un ouvrage qui s'intitule « Confrontation, échange et connaissance de l'autre au nord et à l'est de l'Europe » paru aux presses universitaires de Rome, de Rennes. Nous tenterons de comprendre ce qu'était donc rencontrer l'autre à l'époque carolingienne et après. Bonjour à vous, bonjour Daniel Königsberg, et bonjour à vous Bruno Dumézil, ainsi qu'à Lucie Malbos, bonjour. Alors merci d'être avec nous au lendemain d'une épreuve écrite de l'agrégation qui portait sur le thème qui va nous intéresser aujourd'hui. On aurait préféré peut-être faire l'émission avant pour que les agrégatifs puissent la préparer, mais en l'occurrence on va le faire le lendemain, et donc peut-être un début de corriger, puisque cette épreuve écrite de l'agrégation d'histoire hier était consacrée à franchir la frontière dans cette Europe du Nord et de l'Est, donc entre le 7e, la fin du 7e et le milieu du 11e siècle, donc la période historique qui concerne donc ce sujet d'agrégation. Alors Bruno Dumézil, c'est une surprise d'abord ce thème ? Non, pas vraiment, il faut être honnête. Telle que la question d'agrégation a été formulée sur la rencontre avec l'autre, la confrontation avec l'autre, la frontière était au centre du sujet. Oui. Mais alors bien entendu, les étudiants auront intérêt à avoir bien compris que la frontière n'était pas forcément une ligne dans nos époques reculées, que la frontière est une zone, que la frontière est un lieu mental, et donc ils vont devoir faire des typologies, nuancer, expliciter le propos, avec la double idée, c'est que la frontière en latin c'est limes, c'est-à-dire effectivement une ligne, mais en langue germanique c'est mark, ce qui a donné marche en français, c'est-à-dire une vaste région où les contacts se nouent. Lucie Malbos, donc il faut déjà définir ce qu'est une frontière à cette époque reculée, vient de dire Bruno Dumézil. Et effectivement, selon les endroits, ça n'est pas toujours la même chose. En l'occurrence, j'imagine, entre Europe du Nord, Europe de l'Est, d'autres, disons, régions qui sont plus traditionnellement reliées entre elles, par exemple, ça n'est pas exactement la même chose, Lucie Malbos. Oui, il faut distinguer les endroits où on va matérialiser la frontière. Je pense en particulier à la frontière entre l'Empire carolingien et le monde des Danois, qui se matérialise sous la forme d'un mur, d'un rempart, le Danevirk, et des endroits où la frontière va être plus difficile à déterminer. Si vous prenez une carte aujourd'hui et que vous essayez de retracer cette frontière, ça va être plus confus. Je pense en particulier à la frontière orientale de l'Empire carolingien, ou même plus tard de l'Empire ottonien, qu'on va pouvoir matérialiser sous forme de fortifications, de forts, mais qui ne vont pas permettre forcément de tracer la ligne de façon nette. Alors on voit par exemple, pour faire un rapprochement avec notre époque contemporaine, combien une frontière avec l'Espagne franquiste était matérialisée et empêchée, donc le passage en particulier de ceux qui voulaient fuir le franquisme vers la France, et combien aujourd'hui quand on passe du côté d'Irun, on ne sait plus très bien où on est, il faut repérer les cabines téléphoniques pour pouvoir savoir qu'on est d'un côté ou de l'autre de la frontière. Ça peut ressembler à ça justement, une frontière dans certains des périodes qui nous préoccupent entre 8e et 11e siècle, Bruno Dumézil ? Oui, certainement, c'est pas un no man's land la frontière, c'est au contraire généralement un endroit très peuplé où les gens se rencontrent, où parfois il y a des marqueurs qui identifient la séparation. On peut penser à la séparation entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Il y a un roi du 8e siècle qui construit 120 km de fortifications, la levée d'Offa. Alors objectivement, ça sert pas à grand chose. C'est comme certaines frontières entre les États-Unis et le Mexique. On se demande si c'est plus symbolique que pratique. Mais en même temps, c'est l'endroit où les rencontres vont se nouer, où les contacts commerciaux, les contacts diplomatiques, les mariages, mais également les petites négociations, les traîtrises, le mercenariat, tout ce que l'on peut faire finalement avec l'autre. Un peu d'espionnage également, ça existe déjà dans ces époques-là. Qui franchit la frontière, Lucie Malbos, dans cette période, puisque c'est le thème qui a été posé aux étudiants hier de l'agrégation d'histoire, qui franchit la frontière? Ah, bonne question qu'il fallait effectivement se poser. Qui franchit la frontière? Tout un tas d'acteurs, d'intervenants, de passeurs, comme on les appelle, les passeurs culturels. Alors, qui peut franchir la frontière? Bien sûr, le soldat, l'homme en armes pour envahir un territoire de l'autre côté de la frontière, mais pas seulement. Il y a également les marchands qui vont franchir ces frontières pour aller se livrer à des opérations commerciales. Et il y a également, Bruno en parlait, des diplomates, des ambassadeurs qui vont franchir la frontière ou bien se retrouver sur la frontière pour échanger, pour trancher des différends. La frontière n'est pas un lieu parfaitement étanche. Au contraire, la frontière est perméable. La frontière se franchit et même les remparts, les fortifications, Bruno parlait de la levée d'eau. Je parlais du Danevirke, se franchissent le Danevirke. Les annales royales des Francs nous précisent qu'il y a une porte qui est ménagée à l'intérieur pour laisser passer les hommes en armes et les convois. Porte que les archéologues ont retrouvée. Alors il n'y a pas encore l'euro entre le 8e et le 11e siècle. On change de monnaie, il y a des changeurs. Est-ce que c'est la même monnaie qui est d'un côté et de l'autre de la frontière, ou est-ce qu'au bout du compte, eh bien, on va unifier en monnaie d'argent, par exemple, tout ce nord de l'Europe et cet est de l'Europe, Bruno Dumézil? Alors, il n'y a pas l'euro, c'est vrai, mais il y a la monnaie d'argent, vous avez raison. Le denier, ce qu'on appelle le denier, au début on appelle ça des chétasses, ensuite on appelle ça des deniers. C'est des toutes petites pièces, elles ne sont pas très jolies, il faut bien l'avouer. Mais c'est la monnaie qui permet de commercer partout, du monde rousse, c'est-à-dire de la Russie actuelle, la région de Kiev, jusqu'en Irlande. On peut commercer avec cette monnaie-là. Alors c'est souvent de la refonte de monnaie arabe, parce que le commerce de l'Est et du Nord de l'Europe se fait aussi avec le Sud. Mais avec ces petites pièces qui sont à peu près standardisées, on peut aller partout. Et bien entendu, quelques changeurs sont là pour essayer de prendre quelques petits pourcentages au moment où vous commercez sur le marché. Lucie Malbos, et on peut acheter des esclaves aussi, parce qu'il faut ne pas oublier qu'entre le 8e et le 10e siècle au moins, il y a des esclaves qui s'échangent dans ces espaces géographiques très vastes de l'Europe occidentale, nordique et orientale. Oui, tout à fait. C'est la marchandise, entre guillemets, qui est la plus difficile à percevoir pour l'archéologue, parce qu'on n'a pas vraiment retrouvé de traces, mais c'était probablement l'une des plus grosses parties du commerce à l'époque, et qui s'opérait en grande partie sur les frontières, nous y revoilà, les frontières en particulier de l'Empire carolingien, puisque bien sûr, la morale chrétienne condamne ou du moins n'est pas favorable à ce commerce, qu'on repousse donc sur des marchés, qu'on repousse du côté de la Scandinavie ou des territoires slaves. Et quand est-ce qu'il disparaît, ce commerce des esclaves, justement ? Il faut attendre assez tard sur les territoires germaniques, il faut attendre de mémoire le 11e ou 12e siècle pour que les derniers marchés aux esclaves soient fermés. Et on va arriver à notre thématique. Quand on franchit la frontière, on ne parle pas forcément la même langue que celui qui et de l'autre côté de la frontière, Bruno Dumézil. Il y a des traducteurs, il y a des passeurs. Si on veut acheter un esclave, il faut peut-être discuter avec celui qui veut le vendre et qui ne parle pas la même langue que vous. Alors, en fait, on ne parle pas la même langue, mais c'est comme moi qui viens du sud-ouest et certains d'entre vous qui viennent du nord de la France, on arrive quand même à se comprendre. Toutes les langues germaniques de cette époque-là sont encore assez proches pour permettre la communication mutuelle, notamment entre tout ce qui est le monde danois et le monde anglo-saxon. Les Vikings qui débarquent en Angleterre se font comprendre sans trop de difficultés. Mmh. Entre les Francs et les Saxons, il n'y a aucune difficulté de communication. Entre les Bavarois et le nord du monde franc, il n'y a pas non plus de difficulté de communication. Les vrais problèmes, c'est quand on va vraiment dans l'Est. Alors là, avec les Slaves, il va falloir des traducteurs. Alors parfois, justement, des esclaves jouent le rôle de traducteur. On va acheter des esclaves avant de monter une mission, de façon à avoir des contacts locaux. Ou avec les Irlandais, parce que là, les Irlandais, eux aussi, parlent une langue qui est très différente. L'autre solution, c'est de passer par le latin. Lucie Malbos, sur ces questions de langue, justement, on en sait quelque chose, on peut en savoir quelque chose, ou puisque ce sont des civilisations orales, on a beaucoup plus de mal à approcher justement ces échanges verbaux, linguistiques, pour ces périodes, en particulier les purculées du 8e ou du 9e ou du 10e siècle. Alors effectivement, c'est délicat parce que les sources ne sont pas très nombreuses et ne sont pas très bavardes sur la question. Vous avez dit que ce sont des civilisations orales. Ce n'est pas entièrement vrai puisque même la Scandinavie, avant l'an 1000, connaît quand même une forme d'écrit sous forme d'écriture runique qu'on retrouve notamment sur les pierres. Donc il y a quand même une forme d'écrit qui justement s'apparente aux langues germaniques dont parlait Bruno. Mais pour ce qui est des difficultés de communication, c'est compliqué parce que les textes n'y reviennent pas. Prenons le cas d'une mission, on va vous raconter les difficultés rencontrées par le missionnaire, la tempête en pleine mer, l'hostilité des populations locales, mais on ne va pas s'apesantir sur le problème qu'il a eu pour parler. Une autre des difficultés, c'est que des textes sont contemporains de la période étudiée, 8e, 9e siècle, mais on a plus de textes un peu plus tardifs qui reviennent sur des périodes plus anciennes. Si on prend par exemple l'exemple des sagas islandaises, Bruno Dumézil, il faut peut-être se méfier de ce qu'elles disent parce qu'elles ont été compilées, écrites bien plus tard et elles sont censées reparler de périodes qui sont les périodes qui nous concernent entre 8e et 11e siècle par exemple. C'est vrai, tous nos fantasmes sur le monde nordique, toute notre image de la mythologie, notamment scandinave, mais également des contacts avec les autres, viennent de ces textes qui ont été composés entre le XIIe et le XIIIe siècle, surtout mis par écrit au XIIIe siècle, après une tellement longue maturation de circulation orale, de recomposition, de réadaptation dans un milieu chrétien. Ce sont des clercs qui les mettent par écrit, que ma foi, on ne sait plus trop ce qu'il y a d'original dedans. Alors là, entre les spécialistes, vous en aurez certains qui diront qu'il n'y a plus rien à récupérer et d'autres qui ont considéré qu'au contraire, on a des sources fiables. Ouais, on peut aller entre les lignes pour essayer de les comprendre. En l'occurrence, Lucille Malbos, par exemple, il y a les vies de saints. Alors évidemment, les hagiographies qu'on connaît bien quand on a fait de l'histoire médiévale, mais ces hagiographies, elles reprennent des topoi qui sont repris de vie de saint en vie de saint. Elles tentent de rapprocher la personne dont on parle du Christ ou de ses apôtres. Et donc, il faut essayer de dégraisser ces textes pour pouvoir voir ce qu'ils disent réellement de ces textes, de ces périodes-là, en l'occurrence, Lucie Malbos. Oui, c'est vrai, les vies de saints, c'est également un autre genre de texte très problématique. Parmi les vies de saints, il y en a quand même une, en l'occurrence, qui parle du Nord, que j'aime beaucoup, qui est la vie de saint Enchère, qui présente une particularité par rapport aux autres vies de saints, c'est que l'auteur, qui est Rimbert, est un compagnon de Enchère, et tous deux se sont rendus en Scandinavie, ont posé les pieds, ont découvert ce monde-là, et donc nous parle quand même d'un monde qu'ils ont fréquenté, dans lequel ils se sont rendus. Et puisque vous évoquez la vie de saint Enchère et que vous avez choisi certains des textes qui sont présents dans cette émission d'aujourd'hui, Daniel Königsberg va nous lire le chapitre 11 de la vie de saint Enchère, une partie évidemment, par le moine Rimbert. Nous sommes dans les années 870. Ils marchèrent ensuite fort longtemps, au prix de grands efforts, traversant en bateau les immenses étendues d'eau qu'ils rencontraient et touchèrent enfin le port royal qui a nom Birka. Ils y furent reçus avec bienveillance par le roi des Suédois, nommé Björn, à qui ses émissaires exposèrent les raisons de leur venue. Ayant appris quel était leur propos, ce roi consulta les siens, et fort de leur assentiment unanime, autorisa les saints hommes à demeurer dans le pays et à prêcher l'évangile en accordant à tous ceux qui le voudraient la liberté de suivre leur enseignement. Alors, voyant leurs vœux heureusement exaucés, les serviteurs de Dieu entreprirent d'un cœur joyeux d'annoncer au peuple la parole du salut. Et nombreux étaient ceux qui, approuvant leur légation, les écoutaient volontiers prêcher la doctrine du Seigneur. Les Suédois détenaient aussi de nombreux prisonniers chrétiens, qui furent heureux de pouvoir enfin participer au saint mystère. Voilà un extrait du chapitre 11 de la vie de saint Enchère par le moine Rimbert. Nous sommes aux environs des années 870 et on voit donc une délégation qui part dans cette région du Nord vers le roi des Suédois, donc Björn, qui donc à ce moment-là va accepter la venue de prédicateurs chrétiens, parce que une des raisons de franchir la frontière, c'est de porter la parole du Christ au-delà, vers les peuples païens, en l'occurrence, Lucille Malbos. Oui, tout à fait. En fait, il faut remettre ça dans son contexte. 870, c'est la période de rédaction en fait de la vie d'enchères. L'épisode proprement dit se passe plutôt dans les années 830. On est quelques années après le baptême du Scandinave Harald Clack, qui a eu lieu donc à la cour carolingienne en 825. Et donc, à la suite de ce baptême, Louis le Pieux tente de lancer justement, plutôt de relancer le mouvement missionnaire vers la Scandinavie pour justement étendre les territoires chrétiens et enchères se porte volontaire pour aller prêcher la bonne parole. Prêcher la bonne parole, dans quelle langue ? Le texte, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne le précise pas. On a l'impression que tout se passe très bien, il n'y a pas de souci. Donc on ne peut pas savoir s'il y a un traducteur, si le prédicateur est accompagné de quelqu'un qui peut lui faire toucher, pourrait-on dire, la population locale, s'il parle en latin, etc., etc. Tout cela, Bruno Dumézil, nous est encore totalement inconnu. Tout ça nous est inconnu, c'est vrai, mais ce lieu dont on a parlé, Birka, donc qui se trouve à côté de Stockholm actuellement, est un endroit qui est fréquenté par de nombreux peuples. Il y a énormément de frisons, notamment des peuples issus de la région des Bouches du Rhin, qui parlent un peu toutes les langues. Donc on peut supposer que le missionnaire profite de cette communauté frisonne, dont on a retrouvé quelques traces, notamment archéologiquement, des gens qui sont très sensibles au christianisme, certains sont chrétiens sans doute, notamment les femmes, et on peut penser que le missionnaire prend assise sur ses contacts, qui sont des contacts commerciaux, diplomatiques parfois, pour développer la religion sans que véritablement le problème linguistique se pose. Alors, il y a un rapport entre religion et pouvoir fort intéressant depuis au moins le 6e siècle, en l'occurrence Bruno Dumézil, c'est-à-dire la conversion des rois francs à cette religion chrétienne. Quel est leur intérêt de porter la religion ? C'est un intérêt politique, c'est un intérêt géopolitique, c'est la religion leur sert de vecteur pour pouvoir à la fois dénoncer ceux qui ne sont pas des chrétiens et donc dénoncer des païens, mais aussi pour peut-être conquérir ou faire de ces territoires des territoires qui leur sont assujettis, Bruno Dumézil. Alors je crois qu'on ne peut pas tellement opposer la politique et le religieux dans ces siècles-là, tout va ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt géopolitique évident, on essaie de développer le royaume franc, le vieux royaume mérovingien avait essayé de se développer déjà à l'est et au nord en essayant de promouvoir la nouvelle religion. Il y a un intérêt spirituel, ils sont là pour faire la causa animarum, dit-on en latin, la cause des âmes, le salut des âmes. Et puis il y a également des intérêts idéologiques, parce que en développant la religion chrétienne et en assurant le salut des âmes, eh bien, on justifie le fait que l'on a pu occuper un certain nombre de territoires. C'est le cas notamment pour la Frise. Dès l'époque du père de Charles Martel, on a déjà une conquête de la Frise, des Bouches du Rhin, en justifiant que les élites locales sont totalement illégitimes. Oui, c'est Pépin de Herstal qui commence à conquérir cette Frise citérieure, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est cela ? Oui, c'est cela. Mais il y a une autre Frise qui résiste, et en particulier celle qui est dirigée par le roi Radbod, donc. Et c'est un extrait de la vie de Saint Wulfram. Comme le roi des Frisons, Radbod, s'apprêtait à recevoir le baptême, il s'adressa à l'évêque Wulfram, en le pressant au nom de Dieu de lui dire où se trouvaient la plupart des rois, des princes et autres nobles de la nation des Frisons. Était-il dans cette région céleste que l'évêque promettait de rejoindre au cas où il se convertirait, serait baptisé, ou était-il dans cette autre région qu'il appelait l'enfer ? Le bienheureux Wulfram lui répondit « Prends garde de faire fausse route, illustre roi. Auprès de Dieu se trouve que le nombre exact de ses élus, les princes frisons, tes prédécesseurs sont morts sans avoir reçu le baptême. Il est donc certain qu'ils ont été condamnés à la damnation, sauf celui qui a cru et a été baptisé, connaîtra la félicité éternelle avec le Christ. » Le roi s'était auparavant avancé vers la piscine d'eau baptismale, mais en entendant cela, il retira son pied du bassin. Il déclara qu'il ne saurait se priver de la compagnie de ses prédécesseurs, les princes des Frisons, et qu'il ne voulait pas séjourner dans le royaume céleste avec une poignée de pauvres. Il lui était difficile de donner son adhésion à ses idées nouvelles. Il préférait donc persévérer dans celles qu'il avait si longtemps observées avec l'ensemble des Frisons. Là encore, on ne sait pas, Lucie Malbos, en quelle langue cet échange s'est tenu. Ce qu'on sait, c'est que c'est un saint, enfin c'est un écrivain de vie de saint, un hagiographe qui raconte cette histoire et qui montre ce personnage de Radbot comme un païen intransigeant qu'il est sûrement, qui ne veut pas se séparer du culte des ancêtres et en particulier rompre avec ceux qui l'ont précédé. Et ça, c'est très important. Donc, c'est la raison pour laquelle il refuse et qu'il faudra attendre d'ailleurs sa mort pour pouvoir conquérir ce territoire dont il est le roi. Oui, effectivement, toute une partie du charisme, l'aura de ces chefs provient justement de ce culte des ancêtres. C'est pas nouveau, hein. Clovis, a priori, a déjà eu les mêmes hésitations pour des raisons assez similaires. Donc c'est vrai que Radbod hésite, fait plus qu'hésiter, puisque finalement, au dernier moment, il renonce. Ça nous montre également l'importance des techniques de persuasion et la pédagogie, justement, qui ici a échoué, parce que finalement, l'argument qui a été avancé par le saint s'est retourné contre lui-même. Bruno Dumézil. Oui, la vraie solution pour la mission, ça sera le moment où les missionnaires vont proposer un autre charisme pour ces rois convertis, c'est-à-dire que le premier roi converti deviendra un saint roi, ce qui va justifier sa propre dynastie. Et c'est pas un hasard si, notamment dans les peuples de l'Est, les premiers rois convertis vont pratiquement tous bénéficier d'une aura de sainteté dont leur famille va ensuite profiter et capitaliser. C'est le cas de Venceslas en Pologne, c'est le cas d'Étienne Ier de Hongrie, c'est également le cas en Norvège, avec saint Olaf qui va être le grand roi christianisateur de la Norvège. Donc d'une certaine façon, il y a des jeux possibles. Et ce charisme dynastique qui est évidemment nécessaire pour nos rois, bien ça peut être un charisme chrétien ou un charisme païen selon le cas, mais le christianisme permet d'offrir un peu de légitimité. Oui, et on a compris en lisant par exemple Massimo Montanari qu'effectivement, en arrivant, lui qui travaille sur les régimes alimentaires chrétiens, qu'en arrivant dans ces terres où il n'y a ni huile d'olive, ni tout ce qui fait théoriquement le régime alimentaire méditerranéen, il va falloir convaincre effectivement d'épouser une religion qui fait carême, qui ne mange pas de gras théoriquement animal à certaines périodes de l'année, et donc trouver des arrangements. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant quand on travaille et qu'on vous lit tous les deux, Bruno Dumézil et Lucie Malbeau, c'est tous ceux qui ont participé à ce livre « Confrontation, échange et connaissance de l'autre », c'est qu'en fait, vous insistez beaucoup sur les arrangements, sur les accommodations, Lucie Malbos. Oui, tout à fait. Il faut trouver des compromis pour arriver à faire passer le message et arriver à se concilier justement la population locale. On en a pas énormément de traces écrites, mais on en a des traces iconographiques. L'une des plus célèbres que nos étudiants connaissent bien maintenant, je pense, c'est la fameuse pierre de Jelling, qui se trouve donc au Danemark et sur laquelle on a la représentation d'un Christ en gloire, d'un Christ qui certes est en forme de croix, mais qui n'est pas crucifié, qui est pris dans les branches de l'arbre de vie de la mythologie scandinave Yggdrasil. Donc on fait un mélange des thèmes chrétiens et des thèmes païens. Oui, parce que Bruno Dumézil, on sait qu'il n'y a d'histoire que contemporaine, et donc vous insistez sur le fait que quand on a commencé à évoquer ces périodes reculées dont vous parliez tout à l'heure, vous-même, eh bien, on imaginait dans l'Europe du 19e siècle les confrontations, les bagarres, les guerres, une vision extrêmement guerrière, qui correspondait aussi à la création des nationalismes en Europe dans cette période du 19e et du 20e siècle. Et aujourd'hui, où, entre guillemets, on voudrait construire une Europe avec moins de frontières, voire sans frontières, eh bien, on insiste beaucoup sur les accommodations, sur les arrangements, sur la, disons, la guerre continue. Bien évidemment, il y a des guerres, il y a des raids, mais il y a aussi, même pendant les guerres, la possibilité de négocier, de discuter, d'échanger. Oui, c'est vrai. Pendant longtemps, on a vu ces siècles-là comme un siècle de confrontation globalement entre la chrétienté occidentale et ce qu'on appelait les peuples de l'Est et du Nord. Mais on est de plus en plus réticent maintenant à utiliser le terme de peuple, notamment pour les Vikings. Viking, c'est une profession dans le monde de la Norvège et de la Suède. On est un Viking comme on peut être un forgeron. C'est pas du tout une identité ethnique. Et donc, ces gens-là ont des contacts assez faciles avec les Francs, avec les Anglo-Saxons. Il ne faut pas complètement oublier la confrontation. C'est aussi des siècles très violents. Bien sûr, bien sûr. Mais la négociation existe, et elle existe à tous les niveaux. C'est-à-dire que dès les années 700, avant même l'épisode des grandes invasions vikings, on a des Scandinaves qui sont présents, qui discutent, qui sont sur les marchés et qui vont pouvoir découvrir un peu de ce qu'est l'Europe occidentale. Et pourtant, ce Nord peut faire peur, ce Nord peut apparaître comme une terre de monstres, de personnages qui sont peu recommandables et dont on peut craindre la présence. C'est le cas de la cosmographie donc d'Aeticus Hister. Vous nous présentez ce texte, Lucie Malbos ou Bruno Dumézil, donc. Alors c'est un texte du 8e siècle qui est assez mystérieux. Ça se présente comme un traité de géographie. Mais l'auteur se dissimule sous une série de voiles. Il se prétend traducteur de Jérôme qui aurait lui-même adapté quelqu'un d'autre. Alors on ne sait pas si le texte est sérieux en fait. C'est peut-être une parodie de traité de géographie et c'est ça qui fait tout son charme. On décrit au nord l'île de Muticia, dans laquelle on peut voir des hommes cynocéphales dont la tête ressemble à celle des chiens. Leurs autres membres ont un aspect humain. Leurs mains et leurs pieds sont ceux du reste du genre humain. C'est une espèce hostile, de grande taille, et il se trouve parmi eux des monstres dont il n'est question nulle part ailleurs. Et ce sont les peuples de Germanie, âpres aux gains, et leurs commerçants qui affirment cela parce qu'ils se rendent fréquemment dans cette île pour du commerce naval. Ils appellent ce peuple cananéen. Comme les païens, ils marchent pieds nus. Ils entretiennent leurs cheveux en les enduisant d'une surabondance d'huile ou de graisse malodorante. Ils mènent la vie la plus sale qui soit, mangeant, bien que ce soit interdit, les quadrupèdes immondes, les souris, les taupes et les autres. N'ayant pas d'habitat véritable, ils ont recours à des tentes dressées à l'aide de piquets, habitant les forêts et les lieux détournés, au milieu des marais et des roseaux. Ils ignorent Dieu et vénèrent les démons et les augures. Ils n'ont pas de roi. Plutôt que d'argent, ils se servent de métal de mauvais aloi. Chez eux, c'est l'argent mou et clair qu'on appelle métal de mauvais aloi, parce qu'on n'en trouve pas dans leur espace, sauf s'il a été importé. On trouve de l'or sur leurs côtes. Il n'y pousse pas de fruits ni de légumes. On y trouve beaucoup de lait, bien peu de miel. Voilà donc pour ce texte d'Aeticus Hister, dont on ne sait pas, c'est ce que vous nous disiez juste avant qu'il soit lu par Daniel Königsberg, dont on ne sait pas, Bruno Dumézil, si c'est un texte sérieux ou une parodie de texte à l'antique, d'une certaine manière. Et donc on est bien embarrassé, quand on est historien, d'utiliser un tel texte. Il n'y a pas que les historiens qui sont embarrassés. Un siècle plus tard, les missionnaires qui vont travailler dans cet espace-là sont eux-mêmes embarrassés par rapport à Aeticus Hister. On a la lettre d'un missionnaire qui part dans cet espace-là, et qui écrit à son donneur d'ordre « Je vais rencontrer bientôt des cynocéphales, des hommes à tête de chien, parce que je suis juste à côté. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de les baptiser ou est-ce que je les baptise pas ?» Et donc, il y a toute une discussion du donneur d'ordre pour dire « On va voir ça, s'ils sont habillés, s'ils aboient, faut voir. » Parce que finalement, tout le monde pense qu'il y a des monstres sur les bords du monde. Tout le monde l'a écrit depuis Hérodote, et donc ça doit être un peu vrai. Alors, il n'est pas sûr que Aeticus Hister, il le croit vraiment parce que c'est un grand fantaisiste, mais d'autres l'ont indiscutablement cru. Oui, il faut préciser que ce soir, aujourd'hui, à 19h, Florent Pouvreau, qui est un docteur en histoire médiévale, qui travaille justement sur la question des hommes velus et des personnages qui sont recouverts de poils, donc au Moyen-Âge, donnera une conférence à la mairie du 9e à Paris, rue Drouot, donc, et l'entrée est libre, je voulais le préciser, parce que effectivement, ça fait partie de ces personnages qui se retrouve justement au bord du monde. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a, mais sait-on s'il y a des explorateurs, en l'occurrence Lucie Malbos, des gens qui poussent plus loin que le territoire connu, la possibilité de découvrir des terres inconnues dans ces 8e, 9e ou 10e siècle? Oui, alors bien sûr, on a l'image des Vikings, ces grands explorateurs qui franchissent l'Atlantique. On a également quelques... On en est sûr maintenant, parce qu'il y a toujours des discussions. On est sûr oui, qu'ils franchissent l'Atlantique. On a trouvé effectivement des traces archéologiques du côté de Terre-Neuve. Donc, il semblerait qu'il y ait eu un établissement qui n'a pas duré très longtemps, mais il y a eu un établissement de l'autre côté de l'Atlantique. Mais avant cela, et beaucoup plus proche de nous, tout est relatif, on a également quelques textes, en particulier le récit d'un voyageur norvégien qui s'appelle trop tard, et qui se rend à la cour d'Angleterre, et il raconte au roi Alfred ses voyages avant justement sa traversée vers l'Angleterre, et en particulier ses voyages vers le Grand Nord, vers des territoires où il a rencontré d'autres populations, des populations organisées sous forme tribale, qui parlent justement des langues étranges et qui ont des modes de vie différents du sien. Alors on écoute d'ailleurs un texte que vous avez choisi, un texte donc qui fait le récit donc par le voyageur Otard au roi Alfred de Wessex, donc qui est inséré dans la traduction en vieil anglais de l'Histoire contre les païens de Paul Orose, Daniel Königsberg. Otard dit à son seigneur, le roi Alfred, qu'il était, de tous les hommes du Nord, celui qui vivait le plus au Nord. Il dit qu'il vivait tout au nord du pays, au bord de la mer de l'Ouest. Il dit toutefois que la terre se prolongeait encore loin vers le nord, mais que tout était désert, si ce n'est qu'en quelque endroit. Les Finas établissaient leur camp, vivant de la chasse en hiver et de la pêche en mer en été. Il dit qu'un jour, il voulut découvrir jusqu'où la terre s'étendait vers le nord, et si quelqu'un vivait au nord de ces contrées désertiques. Il partit donc vers le nord, en longeant la côte. Après plusieurs jours en mer vers le nord, il rencontre plusieurs tribus de nomades, les Finas, mais aussi les Beormas, une tribu finnoise. Là, les Beormas lui racontèrent de nombreuses histoires à propos de leur région et des régions les entourant, mais il ne savait pas ce qui était vrai dans celle-ci, car il n'en avait rien vu lui-même. Les Finas et les Beormas, il lui sembla, parlaient pratiquement la même langue. C'est assez extraordinaire que ce texte, il date de quand en l'occurrence, Lucie Malbos? Ce texte date de la fin du 9e siècle, puisque donc le récit est fait par Otard. Dans quelle langue? Là aussi la question se pose. Mais il est mis ensuite par écrit en vieil anglais à la cour d'Alfred, donc à cette période-là. Et cette question de la langue est centrale. Il lui semble qu'il parle la même langue. Il lui semble parce que ce qui est certain, c'est que ces tribus ne parlent pas sa langue à lui, la langue d'Otard, puisque donc Otard est norvégien, il parle donc une langue germanique ou de racines germaniques. Il peut donc échanger avec Alfred en Angleterre. En revanche, les Finas et les Beormas parlent des langues plus proches du finnois justement actuellement, donc une langue complètement différente. Donc il a l'impression que les sonorités se ressemblent entre les deux, mais c'est une langue que lui ne maîtrise pas. Bruno Dumézil, des historiens et des historiennes comme Jocelyne Dacria ont travaillé sur ce qui s'appelait, disons à l'époque moderne, la lingua franca en Méditerranée. C'était une langue qui était pratiquée dans les ports et qui mêlait de l'italien, de l'arabe, des langues latines et des langues qui ne l'étaient pas, pour se comprendre entre marchands et pilotes de bateaux et pour pouvoir échanger et là aussi acheter ou vendre. On sait s'il existait ou on peut penser qu'il existait une langue de ce type-là ou est-ce que ça nous est véritablement trop étranger? Alors là, je rejoindrai Lucie Malbos, on ne sait pas véritablement ce qu'on parlait. On suppose que les langues germaniques étaient assez proches pour constituer une sorte de lingua franca, mais c'est pas sûr. La véritable lingua franca, elle n'est pas franque, c'est le latin tout simplement. Mais le latin qui le parle, c'est cela la question aussi. Tous les gens importants. Oui, c'est-à-dire que dès que vous arrivez à un certain niveau social, vous avez accès au latin. Et la christianisation donne accès au latin. C'est pour ça aussi que les gens se convertissent. Parce que ça permet de discuter avec tout le monde. Pensez, par exemple, les premiers traités commerciaux qu'on possède entre Charlemagne et son homologue, le roi de Wessex, Offa, c'est en latin. Les premières discussions diplomatiques avec les Norvégiens, c'est en latin. Les discussions que l'on peut avoir entre les peuples de ce qu'on va appeler le Saint-Empire et les Slaves, c'est en latin, ou du moins on essaie de les faire en latin. Donc d'une certaine façon, je crois que le latin joue ce rôle. Bien entendu, il y a sûrement eu autre chose, mais le autre chose avait-il autant de rôle, autant de place qu'on veut bien le croire, parce que les intellectuels sont romains. Lucie Malbos. Oui, alors il faut aussi garder à l'esprit que pour échanger, pour les besoins de la vie quotidienne, les spécialistes estiment qu'on a besoin d'un bagage de 300 à 400 mots seulement. Donc on devait se comprendre en parlant une sorte de globiche ou de ce qu'on peut appeler ça comme on veut, on devait se comprendre on se comprenait avec un accent particulier. On a le roi, un des rois anglais, Cenwulf, qui justement se plaint du parler barbare. C'est l'expression qu'il emploie d'un des missionnaires francs qui arrive chez lui. Donc, on se comprenait. Il y avait un accent étranger. Ça sonnait différemment de la langue habituelle, mais on parvenait à échanger avec quelques mots de base. Et même les Irlandais qui arrivent sur donc la péninsule continentale, comment ça se passe, Bruno Dumézil? Alors, en particulier les moines irlandais qui vont professer la religion chrétienne à partir de l'ouest de la France et qui vont se répandre un peu partout et être contrebalancés par la règle bénédictine, bien évidemment. Ces gens qui sont dans le sillage de Saint Colomban, ils parlent quoi exactement et comment échangent-ils avec ceux qui sont censés catéchiser? Alors, par chance, Colomban, on a gardé ses lettres. Donc là, on sait comment il communiquait. Il communique dans le plus beau des latins qu'on puisse imaginer. Alors, pas un latin comme on parlait à Rome, un latin de son invention. Un latin plus beau que du latin. Donc, il invente de nouveaux mots. Donc, par exemple, Colomban se décrit comme micrologus. C'est une sorte de transcription du grec pour dire « je suis un homme qui dit de petites choses ». Puis, il y a des formulations alambiquées. Donc, une langue qui devait être très étrange pour un habitant des Gaules autour du 6e, 7e siècle, mais qui était indiscutablement une langue latine. Donc là, il n'y a pas de problème de communication. Lucie Malbos. Pour Saint Colomban, on a effectivement des textes. Pour la suite ou les autres Irlandais, c'est une question plus compliquée. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, l'Irlandais ne relève pas de la même famille linguistique. C'est la famille des langues celtiques. Et donc, les problèmes de compréhension devaient se poser à un tout autre niveau. Et puis, il y a une autre famille de langues qui est plus complexe. C'est la langue slave. Que fait-on avec les langues slaves à partir du moment... Alors, vous disiez tout à l'heure, Bruno Dumézil, il y a les langues germaniques, elles sont plus ou moins cousines, on peut plus ou moins se comprendre. Il y a les langues latines, ça aussi, on peut plus ou moins se comprendre. Mais la langue slave? Alors, la langue slave, c'est un vrai problème. Les Bavarois qui essaient d'évangéliser les Slaves essaient de faire des glossaires de langue slave. Donc, on a quelques petites glosses dans les manuscrits bavarois qui montrent qu'on a essayé de noter quelques éléments des futurs discours de prédication. Et puis rapidement, c'est quand même un missionnaire qui est un missionnaire oriental, qui est Méthode, qui va arriver dans le monde slave au milieu du 9e siècle et qui va proposer une évangélisation en slavon. Et donc, qui va parler la langue slave et qui surtout va la mettre par écrit. Autour de Méthode va apparaître cette langue qui est une langue de la liturgie, qui est le vieux slavon, et qui va connaître une transcription littéraire, ce qu'on appelle le glagolitique, un alphabet qui va permettre aux Slaves de disposer de leur propre culture écrite. Ah, et puis dans cet espace géographique, du côté de la Volga, donc il y a des voyageurs qui viennent d'un peu plus loin, et en particulier qui viennent de la Méditerranée orientale, un texte d'Ahmed Ibn Fadlan. Qui est-ce qui veut nous le présenter, ce texte? Alors, c'est un voyageur arabe qui est un diplomate avant tout, qui est envoyé par Bagdad pour aller négocier avec les peuples de l'Est et qui, sur la Volga, rencontre ce qu'il va appeler des Rousses, c'est-à-dire les ancêtres des Russes, des gens installés à Kiev et qui commercent avec le monde arabe, mais également avec la Suède. Daniel Königsberg. J'ai vu les Rousses, qui étaient venus pour leur commerce et étaient descendus près du fleuve Volga. Je n'ai jamais vu corps plus parfait que les leurs. Par leur taille, on dirait des palmiers. Ils sont blonds et de teint vermeil. Ils ne portent ni tunique, ni caftan. Mais les hommes chez eux ont un vêtement qui leur couvre un côté du corps et laisse une main libre. Chacun d'eux avec lui une hache, un sabre et un couteau, et ne les abandonne jamais. Leurs sabres sont des sabres à large lame, striés de rainures semblables à des sabres francs. De l'extrémité des ongles jusqu'au cou, le corps de chacun d'eux est tatoué en vert de dessins représentant des arbres, des figures, etc. Toutes leurs femmes ont, sur leur sein, une boîte attachée de fer, d'argent, de cuivre, d'or ou de bois, selon le degré de richesse de leur mari et leur importance. Dans chaque boîte est un cercle, dans lequel il y a un couteau attaché aussi sur les seins. Elles portent au cou des colliers d'or et d'argent, car tout homme, dès qu'il possède 10 000 dirhams, fait confectionner pour sa femme un collier, et s'il en possède 20 000, il lui fait faire deux colliers, et ainsi de suite. Dès que sa fortune augmente de 10 000 dirhams, il ajoute un collier à ceux que sa femme possède déjà, de sorte qu'il peut y avoir, sur le cou d'une seule femme, plusieurs colliers. Les rousses sont les plus malpropres des créatures de Dieu. Ils ne se nettoient pas des souillures produites par les excréments ou par l'urine. Ils ne se lavent pas après les relations sexuelles. Ils ne se lavent pas les mains après le repas. Ils sont comme des ânes errants. Voilà un texte du Xe siècle d'un voyageur arabe se rendant chez les Bulgares de la Volga, donc, et en particulier découvrant ce peuple des Rousses, les ancêtres des Russes. C'est quand même extrêmement intéressant, c'est très précis comme récit. Et surtout, ça nous replace dans une autre géographie. En l'occurrence, Lucie Malbos, on a longtemps, parce qu'on a lu Henri Pirenne il y a déjà quelques dizaines d'années, pensé que effectivement cette Méditerranée était fermée par un islam qui empêchait de les Européens d'y accéder, et donc qu'on s'était tourné vers l'Europe du Nord en l'occurrence pour parce qu'on n'avait plus la possibilité d'accéder à cette mer fermée qui était la Méditerranée. Et en fait, on découvre qu'il y a d'autres chemins pour accéder justement à cette Méditerranée, et que ces chemins passent justement par la Volga et descendent le long de la Bulgarie actuelle jusque à Bagdad. Et que ces chemins étaient empruntés par de très nombreux marchands, y compris d'ailleurs des Vikings plus tard, etc., Lucie Malbos. Oui, tout à fait, c'est une route très fréquentée, et d'ailleurs le texte que l'on vient d'entendre s'en fait l'écho. Ce peuple que nous décrit Ibn Fadlan est un peuple de marchands, des marchands qui vivent du commerce fluvial, des marchands qui échangent visiblement avec les Francs, puisqu'il semblerait qu'ils aient des épées qui ressemblent, ou des sabres, selon la traduction pour laquelle on opte, qui ressemblent à ceux des Francs. Peut-être qu'ils y ressemblent parce que tout simplement ils en proviennent. Et également de très grandes richesses qui donc se matérialisent sous forme de colliers de plus en plus nombreux à mesure que cette richesse s'accroît, richesse qui est issue en grande partie du commerce et notamment du commerce qu'on évoquait tout à l'heure qui est celui des esclaves. Un des principaux commerces qui s'opère le long de la Volga, c'est le commerce des hommes. Oui, Bruno Numézil, cela remet notre géographie à l'endroit. D'une certaine façon, on pensait impossible de joindre le monde arabe ou arabo-musulman par la Méditerranée, mais il y a toujours des chemins de commerce. Les commerçants ne s'encombrent pas de ces frontières dont on parle depuis le début de notre discussion. C'est vrai, mais Pirenne le disait déjà, hein, c'est cette mer du Nord et cette Baltique qui deviennent la nouvelle Méditerranée à partir du 7e siècle, avec la vieille route de la soie qui continue d'arriver jusqu'en Occident, mais au lieu de passer par la Méditerranée, elle va passer par le circuit des fleuves russes, arriver jusqu'à la région du lac Ladoga, redescendre par la région de Stockholm et ensuite enrichir tous les peuples des environs. Et une partie du phénomène viking s'explique aussi pour cela. Par cette richesse. Des peuples qui s'enrichissent en profitant du détournement des vieux circuits commerciaux et des pouvoirs qui se structurent, qui deviennent beaucoup plus forts et désormais qui ont plus d'envie, d'espace, de richesse, d'aventure. Racontez-nous, Lucie Malbos, le port d'Edeby, c'est comme ça qu'on prononce. Oui, Edeby pour les Danois. Oui, alors effectivement, là, c'est un port qui se situe pas très loin du fameux Danevirke qu'on évoquait tout à l'heure, donc cette frontière. Donc on est dans une zone de frontière. C'est actuellement en Allemagne, dans le Schleswig-Holstein, mais à l'époque qui nous intéresse, c'est en territoire danois. Et donc on a un port qui devait ressembler un petit peu au port de Birka qu'on évoquait tout à l'heure. Donc un port multiculturel dans lequel on devait parler plusieurs langues, où se rencontraient des Danois, des Francs, des Frisons, peut-être même des peuples slaves. Des esclaves, où on échangeait, où on vendait même des esclaves. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de traces archéologiques de ce commerce. L'une des rares traces que l'on ait se trouve justement à Edeby. On a retrouvé dans le ventre d'une épave des fers qui servaient à entraver des hommes, des femmes, donc probablement des fers liés au commerce des esclaves à Edeby. Et c'est ce qu'on appelle des emporia, selon qu'on utilise le mot latin, ou des vix, comme ça qu'on appelle ça ? Oui, tout à fait. Donc on peut parler d'emporia ou de vix. Donc ce sont des ports qui se développent à partir des 7e, 8e siècles sur l'ensemble des rives des mers nordiques. Donc on a Edeby, on a Birka en Suède. On pourrait également citer Kaupang en Norvège, mais il y en a également plus près de chez nous. nous. Il y avait également Kentovic, un des très grands ports francs, pas très loin de Boulogne actuellement, dont il ne reste plus rien, mais qui était peut-être le plus grand de ces emporiens. Ça veut dire aussi que l'archéologie vient au secours des historiennes et historiens que vous êtes, Bruno Dumézil, parce que on note la pénurie de textes et certains espaces qui ne sont pas documentés par des textes traditionnels, mais les archéologues viennent vous donner quelques notions qui vous permettent d'amender votre connaissance de ces peuples du Nord et de l'Est. Alors c'est vrai, on est complémentaires souvent, parce que sur ces espaces-là, on a quand même quelques textes. On n'a pas rien, on en a quelques-uns. Et on sait notamment, donc ces sites qui sont désormais depuis une trentaine d'années seulement bien connus par l'archéologie, on les connaissait par quelques textes, avec ces communautés que l'on devinait, notamment dans les ports danois qu'on évoquait, comme Ribeux ou Eitabou. On avait des textes qui nous disaient qu'il y avait des problèmes de communautarisme d'une certaine façon. Un des premiers textes nous dit « Est-ce qu'on va mettre une église dans un port au Danemark ?» Et le roi du Danemark n'est pas très chaud, il dit « bon, des églises d'accord, mais pas de cloches, hein, parce que ça fait un peu trop chrétien ». Et donc, on devine ces ports dans les textes, et maintenant on les voit très bien grâce à l'archéologie, mais pensons à d'autres ports comme York, comme Dublin, qui naissent à ce moment-là et qui deviennent véritablement les centres du commerce occidental. Southampton naît aussi à ce moment-là sous un autre nom, en l'occurrence. Oui. C'est Alnwick, c'est ça ? On parle d'Alnwick, effectivement. C'est pas exactement le même site, il s'est très légèrement décalé, mais c'est pour ça aussi qu'on emploie deux termes différents. Effectivement, là, on est de l'autre côté de la Manche, c'est le port qui permet d'échanger avec les Francs. Parce qu'il faut rappeler que la mer n'est pas une frontière. On parle des frontières, en l'occurrence, mais pour tous les contemporains de ces 8e au 11e siècle, la mer, c'est une voie de passage et ça n'est pas considéré comme un endroit infranchissable comme on pourrait le penser. Non, tout à fait. La mer est un trait d'union bien plus qu'une barrière. Donc, effectivement, c'est ce qui sépare deux rives, deux pays. C'est ce qu'il faut franchir, parfois au péril des tempêtes et des naufrages. Henri Ier en connaîtra quelque chose, oui, du côté de Barfleur. Mais effectivement, c'est ce qui, une fois qu'on l'a traversé, permet le contact. Et il ne faut pas oublier que beaucoup des peuples dont on parle depuis tout à l'heure, à commencer par les Vikings, sont des peuples de marins, de navigateurs. Et donc, ont l'habitude justement de traverser ces mers et ces océans. Alors, nous parlons de langue. Il y a cette langue latine dont on a parlé un peu avec vous deux, Lucie Malbos et Bruno Dumézil, mais une langue latine qui commence à s'accommoder avec les parlers locaux. La préface à la règle pastorale de Grégoire le Grand par Alfred le Grand, roi du Wessex, donc un extrait lu par Daniel Königsberg. Si totale fut la décadence parmi les Anglais, qu'ils étaient fort peu à pouvoir comprendre en anglais leur office, ou même traduire une lettre du latin en anglais. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant, que nous ayons maintenant quelques collèges d'enseignants. Donc il me paraît préférable que nous traduisions certains livres, ceux qui sont le plus nécessaires à l'instruction de tous, en cette langue nôtre que nous pouvons tous comprendre. Et que nous fassions en sorte que tous les jeunes hommes libres de la nation anglaise qui possèdent les moyens de s'y appliquer soient mis aux études pendant qu'ils sont inaptes à tout autre emploi, jusqu'à ce qu'ils sachent bien lire l'anglais écrit. On initiera par la suite à la langue latine ceux que l'on désire instruire davantage et faire élever à un rang supérieur. J'ai commencé, parmi mes autres tâches nombreuses et variées de roi, à traduire en anglais le livre qui s'appelle en latin « Pastoralis » et en vernaculaire « Livre du pasteur ». Ah, voilà un texte qui est fort important, Lucie Malbos, parce qu'il nous dit qu'il y a un double standard qui va finir par s'imposer, une langue pour les clercs et une langue pour le peuple, et qu'on ne peut pas prêcher la même parole du Christ dans les deux langues. C'est difficile en l'occurrence. Oui, tout à fait. Le roi de Wessex, Alfred, se rend compte effectivement qu'il y a un problème. En fait, il n'est pas le premier à s'en rendre compte. Ce texte fait écho à d'autres plus anciens, et notamment au concile de Tours qui date déjà de 813, et dans lequel Charlemagne faisait le même constat et proposait finalement une solution assez similaire, à savoir d'un côté renforcer la formation en latin des clercs qui sont de plus en plus des latinistes de plus en plus mauvais et qui donc comprennent de plus en plus mal les textes sacrés, et par ailleurs prêcher, prononcer les homélies en langue vulgaire, vernaculaire, en langue romane ou tudesque, pour pouvoir être compris par la population. Oui. Alfred va dans le même sens. Est-ce qu'on sait quelque chose de ce qu'étaient les écoles avant, justement, l'instauration de cet enseignement dont on parle dans ce texte, Bruno Dumézil? Il y avait des écoles qui existaient. On enseignait en quelle langue, justement, et on apprenait quelle langue dans ces écoles? Alors, on enseignait en latin et on apprenait le latin. Mais jusqu'au 8e siècle, le latin est une langue vivante. C'est ça la grande différence. Jusqu'à Charlemagne, le latin évolue comme toutes les langues. Et donc le latin, à la fin du 8e, ressemble déjà à un proto-français, mais garde un peu de la grammaire latine parce que c'est encore enseigné dans les écoles. À partir de Charlemagne, il y a une rupture totale. La seule langue qui sera apprise dans les écoles, c'est le bon latin. Officiellement celui de Cicéron, en fait celui de Saint-Augustin, du latin tardif. Enfin, un latin avec une grammaire qui tient à peu près la route. Et par contre, la langue parlée continue à évoluer. Mais beaucoup plus vite, puisqu'elle n'est pas apprise. C'est comme si votre français n'était jamais enseigné dans les écoles. Donc ça devient un latin tellement évolutif que dès les années 840, on voit apparaître les premiers textes en proto-français. Oui. C'est les serments de Strasbourg. Voilà. Et effectivement, on avait consacré, Victor Massé de Lépinay avait consacré un documentaire sur ces serments de Strasbourg et sur celui qui est censé les avoir écrits. Lucie Malbos, c'est fort excitant de travailler sur cette période, parce que c'est une période qui a longtemps été considérée comme des âges sombres, des âges troubles. Or, on s'aperçoit que plus on s'en approche et plus on fait parler les textes et on fait parler aussi les objets trouvés dans les fouilles archéologiques, plus on trouve de possibilités de la ramener vers nous aussi. Oui, bien sûr, on se rend compte qu'effectivement un certain nombre de problèmes auxquels ces hommes et ces femmes, n'oublions pas non plus, étaient confrontés, font écho à certaines de nos préoccupations. C'est vrai que... Qu'est-ce que c'est qu'une mondialisation? Qu'est-ce que c'est que d'aller dans des territoires dont on ne parle pas la langue? Qu'est-ce que c'est que de commercer avec d'autres au bout du monde? Et avec des gens qu'on ne comprend pas d'un point de vue linguistique, mais qu'on ne comprend pas non plus sur le plan des valeurs ou du mode de vie. Le texte d'Ibn de Fadlan nous le montre bien. Qu'est-ce que c'est que ces hommes habillés bizarrement, qui se peignent le corps, et ces femmes qui portent 4, 5, 6 colliers autour du cou? Bruno Dumézil. Et en même temps, il y en a certains qu'on comprend. Par exemple, les fouilles de Novgorod nous ont apporté énormément de lettres, des 11e, surtout 12e, 13e siècle. La plupart des lettres sont sur le sujet « Il fait froid, envoie-moi des chaussettes ». Et là, je crois qu'on arrive à comprendre cette société-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Bruno Dumézil et merci à vous, Lucie Malbos, d'être venue pour évoquer donc le thème qui était le thème de l'agrégation cette année. Donc, ces questions des frontières, des confrontations, des échanges et des connaissances de l'autre que vous avez d'ailleurs, tous les deux, vous y avez travaillé pour un livre qui est paru aux presses universitaires de Rennes. Et puisqu'on évoquait justement cette question de la rencontre de l'autre, sachez que le 31 mars prochain, samedi prochain, dans 10 jours, nous nous retrouverons à la Sorbonne pour le dernier forum de France Culture. Vous pouvez bien entendu nous y rejoindre et que ce forum de France Culture évoquera les révolutions de l'intelligence. Pour notre part, en histoire, nous aurons pour invité entre autres Anne Cheng du Collège de France et Pierre Saint-Garavelou pour évoquer justement ce qu'a été la rencontre de l'intelligence des autres et comment les uns et les autres seront pu se croiser et se comprendre. C'est donc le 31 mars prochain. Et puis, puisque vous avez entendu Éric Cazan dans l'émission d'hier, dans notre émission sur Balzac et sur Paris et sur la rue Renoir, sachez qu'il est aussi présent tous les soirs sur France Culture ces temps-ci, l'éditeur. Donc, dans À Voix Nue, écoutez-le, c'est fort intéressant. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marcet et à la technique aujourd'hui Jean-Guilain Meige et à la réalisation Anne Fleury. Merci également à Daniel Koenigsberg qui a lu les textes pour nous ce matin.